Bienvenue à Web Musique. Vous êtes en compagnie de Simon Roy. Comme à l'habitude, j'ai une belle sélection de musique que vous pouvez télécharger gratuitement. C'est de la musique que je vous ai trouvée sur Internet. Donc, si les pièces vous intéressent, vous pouvez les télécharger. Pour ça, ben, rendez-vous sur le blog de l'émission qui est au www.webmusique.org. Vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour télécharger les pièces. Cette semaine, on va débuter avec un artiste qui est sur l'étiquette Dystopiac, une étiquette qui se dit mondiale, donc qui n'ont pas de lieu précis. J'imagine que c'est un collectif qui collabore pour distribuer les albums. Donc, en tout, ils ont 3 albums. C'est une étiquette tout à fait récente. Donc, on va entendre, pour débuter, du Japon, Catchers of Mad Wreck, la pièce Siberian Steel. Puis, ensuite de ça, on va entendre un artiste qui est sur l'étiquette Revolution Sound Records, une étiquette qui vient de Marseille. Donc, l'artiste s'appelle The E-Sound Project. Je vous fais passer sa pièce Claustrophobia. Donc, on débute tout de suite avec Catchers of Mad Wreck. Thank you. Vous êtes toujours à l'émission Web Musique sur les ondes de CKRL 89,1. On vient tout juste d'entendre un artiste parisien qui s'appelle The E-Sound Project. C'était sa pièce Claustrophobia. C'était sur l'étiquette marseillaise Revolution Sound Records. Avant ça, on entendait un japonais du nom de Catchers of Mad Wreck, la pièce Siberian Steel. C'était sur l'étiquette Dystopiaque. Pour poursuivre l'émission, je vous présente un artiste qui vient de la Croatie, de la ville de Split plus précisément, qui s'appelle No Name, No Fame. Je vous fais passer deux pièces qui sont sur son album. Attendez un peu. Son album Buena Vista Fight Club Remix. Donc, un album vraiment intéressant. Je vous fais passer les deux pièces. On va débuter avec Plasmatic Grande Latte Enema Remix. Puis ensuite de ça va être la pièce Vivacele Remix. C'est par Labos. Donc, à Web Music, on entend No Name, No Fame. Thank you. Yeah. Vous venez d'entendre deux pièces de l'excellent album Buena Vista Fight Club Remixes. C'est par l'artiste No Name, No Fame, un album que je vous recommande vraiment. Allez le télécharger, ça vaut vraiment la peine. Donc, on vient tout juste d'entendre la pièce Viva Chile Remix. Puis, c'était précédé par Plasmatic Grande Latte Enema Remix. Donc, deux pièces qui sont vraiment excellentes. Ça vient de, donc, comme je vous disais, de l'artiste No Name, No Fame, un artiste qui vient de la Croatie. C'était sur l'étiquette Egobu Beats. Le lien semble pas fonctionner pour l'instant pour ce netlabel-là. J'espère que ça va se réparer dans la semaine. C'est un netlabel qui est vraiment à découvrir. Pour la suite, je vous propose une pièce vraiment, vraiment originale. Ça s'adresse surtout aux amateurs du jeu Zork, un jeu texte qui date des années 77-79. Donc, c'est ça, je pense que ça a été un des jeux les plus joués à vie sur à peu près toutes les plateformes. Peut-être que même maintenant, vous pouvez jouer sur vos cellulaires à Zork. Donc, la pièce, c'est le walkthrough, donc la solution au jeu. Qui est comme récité, puis il y a la musique avec ça. Vous allez voir, ça donne un drôle de mélange. Donc, c'est sur le 5090 Project que ça a été lancé. Donc, c'est un projet qui essaye de faire 50 chansons en 90 jours. Donc, c'est fait par une communauté spontanée qui décide de faire plusieurs pièces dans un court laps de temps. Donc, c'est ça, c'est un projet vraiment intéressant. Donc, on va entendre Piffy and Errol, la pièce Walkthrough. South. East. Open the window. Into the house. West. Get the lamp. And move the rug. Trap door. Light the lamp down southeast, get the painting. North up, up, and night, and look down west. Open, case the painting, in case of that, get sword open. Trap door down with kill a troll with sword drop, sword easy, southeast, east, that or up the railing. Climb down, north, southeast, get off, and west, south, gray, down, slab, south, north, east. Down to camp, get bottom, north, up, coffin, open, coffin, get scepter, wave, scepter, get gold, and coffin, south, with up the canyon, get northwest, with anchor, house, and open, bank, and trolley, west, with coffin, scepter, and that golden case. Open trap door, and light the lamp. Vous recherchez une hygiène de vie? En devenant membre de CKRL, vous obtenez 10 % de rabais au Centre de yoga Québec. Renseignez-vous au 525-96-42. Vous voulez être membre de CKRL? Rien de plus simple. Téléphonez au 640-2575, poste 203, ou passez au 405 3e Avenue, ou encore, payez votre adhésion sur le site sillon.com. Let's go! Tous les mercredis, Tania Beaumont vous met au parfum de l'actualité culturelle et vous présente l'émission Québec, c'est pas un village, à l'antenne de CKRL. C'est un rendez-vous incontournable entre 17h30 et 19h30 afin de tout connaître sur la vie culturelle de Québec en direct du bar Le Sacrilège. Hey! I wanna go crazy. Vivre ce qui se passe à Québec, branché sur la relève. Un seul endroit, une seule fréquence. Au bar Le Sacrilège, 447 rue Saint-Jean, pour 89,1 CKRL, la radio culturelle. Une présentation de Boréal et de Pastissimo. I wanna go crazy. Vous écoutez CKRL 89.1, la radio culturelle à Québec. Vous êtes toujours à l'émission Web Musique sur les ondes de CKRL. Avant la pause, on entendait une pièce quand même assez tordante. C'est le walkthrough, ou si vous préférez, la solution complète du jeu Zork, un vieux jeu qui date de la fin des années 70. Donc, c'est la solution qui est lue sur une voix assez monocorde avec de la musique rajoutée par-dessus. C'était par Piffy and Errol. Piffy qui vient de l'Argentine et Errol, un artiste ontarien, donc qui ont collaboré pour faire cette pièce-là qui s'appelle le Walkthrough. Là, on va poursuivre avec des trucs dans un registre un peu plus rock. Donc, on va entendre tout d'abord... The Sunshine Factory, dans un groupe de l'Alabama. C'est sur BFW Recordings, une étiquette qui vient du Royaume-Uni. Donc, c'est un petit peu drôle parce qu'ils disent que la sortie de l'album est le 5 octobre. Donc, c'est vraiment tout frais. On est encore le 4. Donc, c'est ça, je trouvais ça assez drôle en trouvant ça aujourd'hui. Je vous fais passer leur pièce « My Sugar Cane ». Ensuite de ça, sur l'étiquette Lost Children, je vous fais passer le groupe de ciné qui vient d'Australie. Donc, le groupe s'appelle Sleep Makes Waves. Je vous fais passer, mon Dieu, la pièce, le titre est vraiment long. Je vais vous faire passer I Will Write Peace on Your Wings and You Will Fly Over the World. Donc, c'est un des titres les plus longs que j'ai vu de pièces. Ben, c'est ça, on débute tout de suite avec The Sunshine Factory, la pièce My Sugar Cane. Thank you. Une pièce vraiment épique et planante par le groupe australien Sleep Makes Waves. La pièce s'appelle I Will Write Peace on Your Wings and You Will Fly Over the World. Puis, donc, c'était sur l'étiquette Lost Children, une étiquette qui nous vient de l'Angleterre. Puis, avant ça, ben, on entendait The Sunshine Factory. C'est un groupe qui vient de l'Alabama. Leur pièce s'appelle My Sugar Cane, donc une pièce aux guitares saturées. Vraiment intéressante. C'était sur l'étiquette BFW Recordings, une autre étiquette qui vient du Royaume-Uni. J'ai deux autres artistes à vous proposer avant de terminer l'émission, mais avant ça, je vais vous rappeler que vous avez accès à la playlist de l'émission sur le site de l'émission, donc qui est au www.webmusique.org. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Donc, vous pouvez également télécharger la balado-diffusion si vous avez manqué des petits bouts de l'émission. Donc, c'est ça, on va entendre tout de suite de l'Italie, un peu de stoner rock. J'ai trouvé ça sur Jamendo. Le groupe s'appelle In Vain. Je vous fais passer leur pièce Angels with Guns. Puis ensuite de ça, de la Grèce, je vous fais passer le groupe King Fungus, la pièce One Shot. Donc, vous êtes toujours à Web Music sur les ondes de CKRL, puis on écoute tout de suite de l'Italie In Vain. Thank you. Grosse musique de cheveux à web musique. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait passer. Donc, il s'agissait du groupe King Fungus. Ça vient de la Grèce. La pièce s'appelle One Shot. Avant ça, de l'Italie, le groupe In Vain, la pièce Angels with Guns. Donc, c'est ça, c'est tout pour web musique. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger les pièces entendues à l'émission. Rendez-vous sur le site pour ça. Vous allez trouver tout ce qu'il vous faut. Moi, je vous dis une bonne semaine. Je pars pour Berlin pour le Net Audio Berlin Festival. Donc, la semaine prochaine, ça va être une émission, on va dire une rediffusion. Je vais vous enregistrer des trucs au festival. Donc, la plus grosse mec de musique, de net label, d'artistes qui distribuent sur licence Creative Commons. Donc, je vais voir pas loin de 150 groupes en à peine 4 jours. Donc, c'est ça, je vais vous faire un petit rapport là-dessus la semaine prochaine. Je vais vous laisser entre les bonnes mains de Jason Vlasak pour son émission Sodium Haute Pression. Je vous invite à rester à l'écoute pour cette émission. Puis, je vous souhaite une bonne semaine sur les ondes de CKRL. Saviez-vous que... La première femme d'affaires de Québec se nommait Marie-Anne Barbel. Elle était l'épouse d'un entrepreneur et quand celui-ci est décédé en 1745, elle a repris ses affaires et a développé l'entreprise familiale. Elle connaît un vif succès et ses affaires marchent très bien grâce à la création d'une poterie dont la réputation était très bonne. Tu savais que... L'entrepreneuriat immigrant est largement récompensé à Québec. Chaque année, plusieurs institutions délivrent des prix aux immigrants et immigrantes qui se sont démarqués par leur démarche entrepreneuriale. Saviez-vous que, afin de faciliter et d'inciter les femmes immigrantes à se lancer en affaires, il existe à Québec la possibilité de bénéficier de microcrédits, de programmes d'accompagnement et d'outils spécifiques au démarrage d'entreprise. Pour en savoir plus sur l'entrepreneuriat à Québec, écoutez l'émission Égalité, genre féminin avec Sophie Gall, jeudi 8 octobre à 9h sur les ondes de CKRL. Cette émission est produite en partenariat avec le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. La musique britannique à nos années. Ici Michel Roy. Pouvez découvrir avec moi l'Angleterre et ses pays amis. Depuis 1998, mes amis font partie du paysage radiophonique de cette année. Un incontournable, 18h30.